Déshabillez-moi, mais ne soyez pas comme tous les hommes oppressés. Et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude, ni hagard. Dévorez-moi les yeux, mais avec retenue, pour que je m'habitue peu à peu. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi avec délicatesse, en souplesse. Choisissez bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lent, ni trop leste, sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissante et affaire de votre main experte. Allez-y. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Maintenant, tout de suite, allez vite, sachez me posséder, me consommer, me consumer. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Conduisez-vous en homme, soyez l'homme, agissez. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Et vous, déshabillez-vous. Juliette Gréco sur RGM, un peu plus de 8h39, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 7 février 1927, naissance de Juliette Gréco, chanteuse française. 1960, naissance de James Spader, acteur américain vu dans Wall Street dans le rôle de Roger Barnes. Sexe, mensonge et vidéo, Lincoln dans le rôle de William Bilbo. Avengers, l'ère d'Ultron. La série télé Boston Justice dans le rôle d'Alan Shore, mais on le connaît surtout pour son rôle de Raymond Red Reddington dans la série Blacklist. 1962, naissance de Garth Brooks, chanteur de musique country américain. On va s'écouter un extrait du titre If Tomorrow Never Comes, même si on connaît plus la version de Ronan Keating. Eh bien, c'est Garth Brooks qui l'a d'ailleurs, qui l'a d'abord interprété. Petit extrait. Sometimes late at night, I lie awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the lights and lay there in the dark. And the thought crosses my mind, I never wake up in the morning. She ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, will she know how much I loved her? And did I try in every way to show her every day that she's my only one. And if my time on earth was through. Voilà pour l'extrait du chanteur Garth Brooks. On reste en 62 avec la naissance de David Bryan, musicien américain du groupe Bon Jovi, qu'on va écouter dans quelques instants. 1965, naissance de Julien Courbet, animateur, producteur télé français, qui a présenté sans aucun doute, ça peut vous arriver, les 7 péchés capitaux, c'est que de la télé. Et depuis quelques mois maintenant, il présente Capital. C'est également l'année de naissance de Chris Rock, troisième du nom, comédien américain, vu dans L'Arme Fatale 4, copain pour toujours 1 et 2 dans le rôle de Kurt McKenzie. Et la série Tout le monde déteste Chris, et il est la voix originale de Marty le Zèbre dans les dessins animés Madagascar 1, 2 et 3. 1971, naissance d'Emmanuel Curtil, comédien français spécialisé dans le doublage et voix off. Il est notamment la voix française régulière de Jim Carrey, Dean Cain, Doug Savant, Matthew Perry, Sacha Baron Cohen, ainsi qu'une des voix de Ben Stiller. Il est également la voix de plusieurs personnages d'animation tels que Buck dans la saga L'Âge de Glace ou encore Simba dans la trilogie du Roi Lion. 1975, naissance de Rémi Gaillard, humoriste français, vidéaste et activiste de la cause animale. 1978, naissance d'Ashton Kutcher, acteur américain vu dans 13 à la douzaine dans le rôle de Hank, l'effet papillon dans le rôle d'Evan Treborn où il est également producteur exécutif, 7 ans de séduction dans le rôle d'Oliver Martin, Cosgars dans le rôle de Jack Fisher, Jackpot dans le rôle de Jack Fuller, Valentine's Day dans le rôle de Reed Bennett, Kiss and Kill dans le rôle de Spencer Ames où il est également producteur, Sex Friends, Happy New Year, Jobs dans le rôle de Steve Jobs, et il sera à l'affiche en 2020 du film The Long Home de James Franco. Il incarnera Nathan Winner, et vu à la télévision dans That 70 Show dans le rôle de Michael Kelso, Mon Oncle Charlie dans le rôle de Walden Schmidt ou encore The Ranch dans le rôle de Colt Bennett. 1981, naissance de Monsieur Poulpe, acteur, animateur français, vu dans La Folle Histoire de Max et Léon, Taxi 5, Les Aventures de Spirou et Fantasio ou encore Budapest. 1982, naissance de Michael Pietrus, ancien basketteur français, ayant fait carrière de 1999 à 2016. Il a joué à Pau Orthez, pour les Golden State Warriors, pour le Magic d'Orlando, pour les Suns de Phoenix, pour les Celtics de Boston, pour les Raptors de Toronto, et enfin il a terminé sa carrière en jouant à Nancy. On termine en 1992 avec la naissance de la chanteuse française Jane, qu'on écoutera en fin d'émission, mais tout de suite on s'écoute Bon Jovi avec leur titre It's My Life. A song for the broken hearted, a silent prayer for faith departed. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my It's My Life, le groupe Bon Jovi sur le 107 FM. Il est un petit peu plus de 8h48 et on fait un point sur la météo. La météo. Eh bien, ce sera encore une belle journée ensoleillée au programme de ce vendredi. Ça fait vraiment du bien. Des températures comprises entre moins 3 et moins 1 degré ce matin, entre 8 et 10 degrés pour cet après-midi. Samedi sera encore une journée ensoleillée avec tout de même quelques nuages. Des températures comprises entre 1 et 2 degrés le matin, entre 9 et 11 degrés prévues pour samedi après-midi. Et dimanche, on débutera avec du soleil et quelques nuages et la pluie devrait faire son apparition dimanche après-midi. Des températures comprises entre 5 et 6 degrés dimanche matin et entre 10 et 12 degrés prévues pour dimanche après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Allez, on commence avec le tennis et le tournoi de Pune et l'élimination hier de Benoît Paire, pourtant tête de série numéro 1. Il s'est incliné en 2-7 face à Marc Ora, 174e joueur mondial, issu des qualifications 6-4-6-4. À Montpellier, ça se passe plutôt pas mal pour nos Français. Le duel franco-français entre Monfils et Manarino a tourné à l'avantage de Monfils qui s'est qualifié en 3-7. Richard Gasquet, lui, s'est qualifié en 3-7 face à Lopez et Pierre-Hugerbert s'est qualifié en 2-7 face à la tête de série numéro 5, Auger Aliassim. Pierre-Hugerbert affrontera une autre tête de série aujourd'hui. Il sera opposé à David Goffin, tête de série numéro 2. Barrère affrontera Krajinovic. Gasquet se repose à Pospisil et Monfils affrontera Gombos. Un mot de basket avec la NBA cette nuit. Il y avait un match entre deux Français, les Knicks de New York de Tilly Kina face à Orlando d'Evan Fournier. C'est New York qui s'est imposé 105-103. 2 points pour Tilly Kina, 16 points pour Evan Fournier. Un mot de basket féminin avec le tournoi de qualification olympique où les Françaises ont battu hier soir les Australiennes 72-63. Autant dire qu'elles ont très bien commencé leur TQO. Au programme de ce week-end, samedi, il y aura un match contre le Brésil et dimanche, un match contre Porto Rico. Du côté de chez nous, en Pro B, ce soir, Nancy se déplace à Aix-Maurienne et en National 1, samedi, le Jet de Vosges recevra le club de Saint-Vallier. Un mot de football, du football espagnol pour débuter avec la Coupe du Roi. C'était les quarts de finale hier soir et à noter l'élimination du Real de Madrid à domicile. 4-3 face au Real Sociedad et l'élimination également du FC Barcelone qui s'est incliné 1-0 face à l'Athletic Bilbao avec un but inscrit dans les derniers instants de la rencontre. En Ligue 1, ce soir, Angers reçoit Lille. Samedi, Marseille recevra Toulouse. Amiens, Monaco. Dijon, Nantes. Metz, Bordeaux. Nice, Nîmes et Rennes, Brest. Dimanche, Montpellier recevra Saint-Étienne, Strasbourg, Reims et on terminera avec PSG, Lyon. En Ligue 2, ce soir, Nancy se déplace à Rodez. En National 2, samedi, Épinal recevra l'équipe 2 de Reims et on reste avec le SAS Football d'Épinal. La billetterie pour les quarts de finale ouvre aujourd'hui, ça y est. Ce sera donc au Clubhouse de la Colombière, je vous le rappelle. Les horaires, ce sera bien de 13h30 à 19h samedi de 9h à midi et dimanche de 9h à midi également. Si vous voulez avoir vos sésames pour cette rencontre, Épinal Saint-Étienne qui, je vous le rappelle, se jouera au stade Marcel Picot de Nancy ce 13 février prochain, eh bien dépêchez-vous, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Et on termine avec du hockey sur glace en D2, dernier match de saison régulière demain soir à la patinoire de Poisson-Pré. Épinal reçoit le club de Huesca. Et si Épinal vient à s'imposer demain soir, eh bien le club spinalien sera assuré d'avoir l'avantage de la glace jusqu'en finale des playoffs. Bon, bien sûr, faut aller jusqu'en finale. Après, on prendra match après match. Tout d'abord, il faut remporter ce dernier. Épinal, Huescal, 18h05, coup d'envoi à la patinoire d'Épinal. Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Jane et son titre « Comme ». Of action. just feel so lost without you, boy. J-A-A-I, I'm yours even if time has passed. Take me away from this impetuous world. Voilà, c'était Jane avec son titre Come sur RGM. Il est, quelle heure est-il? Il est presque 8h56, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, on fait un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. À 14h, ce sera la rediffusion de GM et Je vous le lis. À 18h, la bulle de lit a consacré à Eroticar. Et 21h, ce sera Mosaïque. Quant à nous, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end. Ciao, bye bye.